الحمد لله وحده والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. نواصل إن شاء الله تعالى مع سورة لقمان. Et on était arrivé à la fin de سورة لقمان. Et بحول الله عز وجل, on va terminer, je pense, بإذن الله سبحانه وتعالى وبالله التوفيق, la dernière explication concernant cette partie de سورة لقمان. Donc comme on avait vu ici au début de Sourate Luqman, ou comme on l'avait dit plus tôt, on avait dit que ici avec les frères ici à la mosquée, donc on prend certains passages de Al-Qur'an Al-Karim et on les apprend par cœur, d'accord? Et ici bi'idnillah azza wa jal, en parallèle, on prend l'explication de ces passages et c'est les cours qu'on est en train de faire. Et inshallah ta'ala, quand on va terminer cette page de Sourate Luqman, on va terminer ce cours d'aujourd'hui normalement, inshallah. Ensuite, ici, j'ai choisi un autre passage, ou je vais choisir un autre passage pour les frères, et cet autre passage, on fera aussi l'explication, bi'idnillah azza wa jal, lors du prochain cours, wa hakada, et ainsi de suite, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, wa billahi tawfiq. Donc ici, on continue avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Et on s'est arrêté la semaine dernière avec la parole d'Allah Azza wa Jal quand il dit subhanahu wa ta'ala, وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني, لقمان الحكيم, il continue d'exhorter ici son fils et il lui dit أقيم الصلاة, il lui ordonne de faire la prière. Et on avait cité cette règle-là, التخلية قبل التحلية. D'accord? Donc ici, il y a la purification avant quoi? Avant l'embellissement. Donc ici, d'abord, on s'occupe de soi-même avant de s'occuper des gens. Donc ici, il lui a donné plusieurs recommandations. Et parmi ces recommandations avant cela, il lui a dit et il lui a recommandé fortement, clairement, de s'éloigner de ce qu'on appelle الشرك بالله عز وجل, le plus grand des péchés. Et plus loin, on voit que Luqman, il lui dit « Aqim al-Salah ». Et Salah, c'est le deuxième pilier de l'islam. Et on en a parlé la semaine dernière. Et ici, regardez ce qu'il dit « Aqim al-Salah ». Donc, fais la prière. Et après cela, il lui dit « Ordonne le convenable et interdit al-Munkar ». Ah, le répréhensible. D'accord ? Ô mon enfant, accomplis la Salah, commande le convenable et interdit le blâmable. Et interdit le blâmable. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelait ici qu'avant d'interdire le blâmable aux gens, il fallait que toi tu t'éloignes du blâmable. Suivez bien. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelait qu'avant que tu interdises aux gens, éloignez-vous du blâmable, toi tu dois d'abord t'éloigner du blâmable. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jalla, il rappelle que Luqman a dit aqimis salah, accomplis la prière. C'est comme s'il disait éloigne-toi du blâmable toi. Pourquoi? Car la prière, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Car la prière éloigne de quoi? Al fahsha' et le munkar. Donc, des turpitudes et du blâmable. D'accord? De tout ce qui est répréhensible. Donc, c'est comme si Allah lui disait, khlas, fais ta prière pour que ta prière te serve à t'éloigner de tout ce qui est mauvais, les turpitudes et le blâmable. Et à ce moment-là, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. Et ici, à ce moment-là, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Pourquoi? Parce que, ici, il a fait la prière. Et s'il a fait sa prière comme il se doit, il va s'éloigner de quoi? الْمُنْكَرِ. Donc, du répréhensible. À ce moment-là, il peut s'occuper des gens et leur interdire le répréhensible. D'accord? Car Allah Azza wa Jalla rappelle que la prière, elle t'éloigne de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est répréhensible. Occupe-toi de toi avant de t'occuper des gens. D'accord? Ici, exhorte ta propre personne avant d'exhorter les gens. Fais des efforts sur ta propre personne avant de dire aux gens, faites des efforts. D'accord? Aqim al-Salah, toi d'abord. Mais il faut que ça soit une prière qui soit bénéfique, utile. Et la prière bénéfique, utile, d'accord? Ce n'est autre que la prière qui t'a permis de t'éloigner des turpitudes et du blâmable. C'est pour ça que les ulama, ils disent, si une personne prie depuis des années, des années, des années, dans tous les cas, on n'a pas le droit de lui dire, arrête de prier. Dans tous les cas. Le fait de dire, oui, mais écoute, ne sois pas un hypocrite, ne prie pas et à côté, ne va pas faire des péchés. Non, non, fais ta prière. Ne lâche jamais la prière, car le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, comme j'ai fait sahih, awwal ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi as-salah. La première des choses sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection concernant ses actes d'adoration, c'est quoi? C'est la prière. Donc ça, ce bagage-là est indispensable. Tu peux faire des péchés, d'accord, ça peut t'arriver de glisser, ça peut t'arriver de faire des péchés plus tôt, ça peut t'arriver de... Walakin, la prière ne la lâche jamais, quoi qu'il arrive. Walakin, en parallèle. En parallèle, nous disons, comme disent les gens de science, d'après les preuves du Coran et de la Sunna, Allah, il a dit, la prière est loin de quoi? Du turpitude et du blâmable. Si une personne, depuis des années, il prie, et il reste toujours dans les mêmes turpitudes et le même blâmable, ça, c'est une des preuves et un des signes qui nous rappelle que quoi? Sa prière, elle ne lui sert à rien, wal'iyadu billah. Sa prière ne lui sert à rien. Parce que la prière, Allah, il a dit, ça t'éloigne. Ah, c'est un moyen qui t'éloigne du haram, des choses mauvaises. D'accord? Donc, ça t'aide à changer de comportement, à passer du mal au bien. D'accord? De l'égarement à la guider. Mais si pendant quelqu'un, une personne pendant des années, des vingtaines d'années, ou une vingtaine d'années, ou alors 10 ans, ou 5, il prie toujours pareil, même peut-être pire dans son comportement, c'est qu'il y a un problème dans sa prière. Donc là, il doit revenir à la prière. Et la prière, pour qu'elle soit bénéfique, on a dit, elle doit être accomplie, comme le prophète alayhi salatu wasallam l'accomplissait. La preuve, sallu kama ra'aytumuni usalli. Ah. Ça, tu t'efforces à prier comme le prophète alayhi salatu wasallam prie. Clair? Et il faut apprendre à connaître arkan as-salah wal wajibat wal sunan, dans la différence entre les piliers de la prière, entre les obligatoires de la prière, entre les actes surérogatoires de la prière. Combien de musulmans prient ne savent même pas la différence entre les piliers, les obligatoires et les sunan? Alors que la prière, ayol ahibba, c'est quoi? C'est le deuxième pilier de l'islam. C'est l'acte d'adoration le plus important en islam, bi ijma' al-ulama ba'da at-tawhid, après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, si tu ne sais pas la différence entre l'arkan, les piliers, les obligatoires et les sunan, comment tu vas savoir si ta prière est annulée ou pas? Faut savoir qu'un pilier, si tu le laisses volontairement ou involontairement, ta prière elle est nulle. Un acte obligatoire, si tu le laisses volontairement, ta prière elle est nulle. Si tu le laisses involontairement, ici ta prière elle est valable, mais tu dois rattraper. Comment? C'est expliqué dans la sunna. Un acte surérogatoire, que tu le laisses volontairement ou involontairement, ta prière elle reste valable. Voilà qui maintenant, qu'est-ce que c'est les obligatoires? Takbiratul ihram, est-ce que ça fait partie des obligatoires ou bien des piliers? Ça fait partie des piliers. Qu'est-ce qui fait partie? Donc ça, c'est des règles. Ça, c'est une science. Ça, c'est la jurisprudence. Et ça, bi'idhnillah azza wa jalla, pour, il y a, je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui ne cessent de nous répéter, est-ce que vous allez faire une vidéo comme la vidéo qu'on a fait concernant les ablutions dans les détails, concernant la prière? Na'am, dès qu'on termine, on arrive bientôt, très prochainement, inshallah ta'ala, on sera dans le chapitre de Salah. Et ici, bien sûr, je ferai une vidéo, d'accord, une démonstration de comment faisait la prière le prophète alayhi salatu wassalam, d'après le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt en se conformant au hadith où le prophète alayhi salatu a dit prier comme vous m'avez prié. Et ici, on fera une démonstration et les gens verront. Et ensuite, on étudiera toutes les preuves, d'accord, dans les détails de ce que j'ai représenté ou de cette prière que j'ai représenté quelque part ici, bi'idnillah azza wa jalla. Voilà, comme ça on verra dans les détails dans les cours de jurisprudence. Ceux qui ont déjà fait ici la jurisprudence concernant l'ouajiz avec moi, ils ont déjà vu tout ça. Walillahi alhamd. Ala kulli hal, nous disons la prière elle doit être faite comme le prophète la faisait. Elle doit être faite à l'heure, pour que ça soit une prière bénéfique pour toi. Elle doit être faite à l'heure, d'accord? Et ici, elle doit être faite avec un minimum de concentration. Nous disons un minimum de concentration. Ça ne doit pas être une prière accomplie avec paresse, d'accord? Avec peine, comme si c'était wal'iyadu billah un boulet, d'accord? Un boulet que je traîne, j'ai envie de me débarrasser. As-salaf, il est rapporté que quoi? Ils étaient tristes de savoir qu'ils allaient bientôt faire le teslim. Ils voulaient pas sortir de la prière. Ils s'attristaient pendant la prière quand ils savaient que la prière elle commençait à arriver à terme et qu'ils allaient faire le teslim, dire assalamu alaykum, parce qu'ils voulaient pas sortir de la prière. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et ici nous maintenant peut-être quelquefois on se précipite et on a hâte qu'elle se finisse cette prière, wal'iyadu billah, illa man rahimallah. Et donc la prière elle doit être faite avec concentration, et pour la concentration il faut méditer. Pour méditer le Coran al-Karim, il faut l'étudier, le comprendre. On en a déjà parlé. Donc ici, il faut avoir un minimum de concentration dans la prière, et ça se travaille. C'est pas du jour au lendemain, mais ça se travaille. Et ici, il faut la faire à l'heure, et faire le maximum d'efforts pour la faire en groupe. Car le prophète alayhi salam, il a dit la prière en groupe, elle a combien de degrés de plus que la prière faite individuellement? 27 degrés. Et le prophète alayhi salam, il a dit qu'Amaja Afisa'es, il n'y avait pas, dans le hadith rapporté par le Bukhari, il y a plusieurs versions qui vont dans ce sens et qui nous rappellent cela. Ces paroles du prophète alayhi salam, où il dit, s'il n'y avait pas des femmes et des enfants à la maison, j'aurais fait présider la prière, et j'aurais pris du bois, et j'aurais été brûlé les gens qui prient chez eux alors qu'ils peuvent prier à la mosquée. Rapporté par le Bukhari. Allahu musta'an. Et ça ne veut pas dire que nous, on doit aller prendre du bois brûlé, badan. Ça, c'est pour nous montrer la gravité. Ah, la gravité, s'il n'y avait pas des femmes et des enfants. Pourquoi? Parce que la prière, en groupe pour les femmes et les enfants, ce n'est pas obligatoire. D'accord? S'il n'y avait pas des femmes et des enfants, j'aurais fait présider la prière. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a fait ça, il a dit, Rasulallah, je suis aveugle, et dans une version, j'ai peur la nuit, des bêtes féroces, etc. Est-ce que je peux prier chez moi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a attendu, lui a dit, tu peux prier chez toi. Khalas. Regardez, il est aveugle, et il se justifie. Je suis aveugle, et j'ai peur la nuit, et je trouve personne pour me diriger vers la mosquée, et est-ce que ici, je peux prier chez moi? À ce moment-là, en expliquant bien. Le prophète, il lui dit oui. À peine il part, il le rappelle. Ah, il le rappelle, il lui dit, atasma'u nida? Est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il lui dit, n'am. Il lui dit, réponds. Il lui dit, réponds. Ça, c'est un aveugle qui dit, j'ai peur de me déplacer la nuit par rapport aux bêtes féroces et aux dangers que je peux rencontrer. Je n'ai personne pour m'emmener ou me diriger vers la prière. Le prophète, il dit, t'entends l'adhan? Oui. Pas d'excuse, tu réponds. Non, maintenant, hop, khalas. Excusez-moi du terme, on se la coule douce. On est à la maison, tout le confort, chauffage, etc. Et juste parce qu'on a un peu la flemme, entre guillemets, oh, maintenant, je vais pas prier à la mosquée. Et ça, c'est une exhortation que je donne à moi-même. Et ça, c'est un égarement, yo, l'ahibba. Ça, c'est un égarement pur et simple. Et c'est pour ça que Salaf, il disait, parmi les moyens qui vont te permettre de te concentrer dans la prière, dis-toi, ou considère, ou alors, si tu veux, réagis comme si c'était la dernière prière que tu allais faire. C'est-à-dire, tu fais ça à ta droite, tu dis, subhanallah, imagine, je meurs avant l'asr. Donc à chaque fois tu dis c'est peut-être la dernière prière, ça va te pousser à dire ah ben il faut que au moins je pars avec l'acte d'adoration le plus important après tawhid, donc au moins qu'il soit bien fait. C'est un énorme bagage, là c'est le plus important. Bon, au moins ce qui est le plus important, je vais le faire de la meilleure des façons. Et à chaque fois tu dis ça, et ça non seulement ça va te permettre d'accomplir ta prière avec concentration bi'idnillah azza wa jalla, mais en plus de cela ça va te permettre de te rappeler minimum de la mort 5 fois par jour. 5 fois par jour, tu te rappelles de la mort. Et le prophète Hassan, il a dit, akthir dhikri hadhi min ladhat. Augmenter le rappel des destructeurs ou du destructeur de plaisir. Ils ont dit, c'est quoi? Le destructeur de plaisir, il a dit, al-maut, la mort. Donc ici, avant chaque prière, dis-toi, khala, je considère, peut-être, c'est fort probable, fort possible, peut-être ça y est, je vais mourir tout à l'heure. Peut-être c'est ma dernière prière. C'est le gros bagage que je vais ramener, bi-idnillah azza wa jalla, avec moi. Donc ici, dis-toi, khala, au moins je la fais bien, et particulièrement, et surtout, la prière obligatoire. Surtout la prière obligatoire. Comme a dit le Sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les actions les plus aimées auprès d'Allah azza wa jalla, c'est les actions obligatoires. Et le serviteur ne cesse de faire des actions surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla l'aime. Al-Hadith. Mais ici, les actions les plus aimées d'Allah azza wa jalla, c'est pas les surérogatoires. Vaut mieux que tu te concentres de la meilleure des façons, avec sincérité, et en t'appliquant de la meilleure des façons dans ce qui est obligatoire, plutôt que tu négliges un peu l'obligatoire et que tu fasses beaucoup d'actes surérogatoires. Non. D'abord l'obligatoire, mais fais le bien comme il se doit, ya Abdallah. Et là, à ce moment-là, ça te sera bénéfique, bi-hawlillahi azza wa jalla, ici-bas et dans le delà. Donc nous disons, as-salah, tout en se rappelant des versets, des hadiths qui sont nombreux concernant la prière. Et si Allah azza wa jalla parle plusieurs fois d'un acte d'adoration, et le répète plusieurs fois dans le Coran al-Karim, ainsi que le message d'Allah alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration qui est très important, bien que tous les actes d'adoration sont importants, mais qu'il est très important. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, hafidhu ala salawat et salat al-wusta. Regardez, il dit, préservez vos prières, mais particulièrement salat al-wusta. Qawlu rajih min ahli al-ilm, salat al-wusta, salat al-asr. D'accord? Donc ici, on parle de salat al-asr. Allah, le prophète alayhi salatu wasallam, dit, afqalu salat, les prières les plus lourdes. Regardez comment les prières les plus lourdes. Pour qui? Ala al-munafiqin. Sur les hypocrites, c'est quoi? C'est lesquelles prières? Salat al-fajr et salat al-isha. Ah, c'est les prières les plus lourdes pour l'hypocrite. Pourquoi? Al-Isha, t'es fatigué, khalas, t'as envie de dormir, c'est souvent tard, donc voilà, ah, c'est la fin de la journée, donc c'est dur. Donc là, quand une chose devient dure, une épreuve devient difficile, donc à ce moment-là, Allah, il commence à dévoiler les... qui? Les hypocrites. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عز وجل dit, est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser dire je crois sans vous éprouver? Certes, on a éprouvé ceux qui étaient avant vous, afin qu'Allah عز وجل connaisse les véridiques et les menteurs. Donc à travers quoi? L'épreuve. Ah, et plus l'épreuve est dure, et plus tu vois, ah, le mensonge des gens apparaît. Mais quand il n'y a pas d'épreuve, tu vois pas les hypocrites, les menteurs, les... tout le monde est bien. Alhamdulillah. Mais dès que ça commence à trembler, les secousses, les épreuves, là, à ce moment-là, ah, les gens qui n'étaient pas sincères, Allah, il les dévoile. Et pourquoi Allah, Azza wa Jalla, ici, le prophète, il parle de Al-Fajr, et sauf parce que c'est des moments très durs. D'accord? Salat al-subh, il faut se réveiller, il faut venir à la mosquée, il faut... Et salat al-isha, c'est tard, surtout quand al-isha est très tard et quand subh est très tôt. Et le prophète dit, c'est les prières les plus lourdes pour l'hypocrite, wal-iyadu billah. Et ça, ces prières-là, c'est... Ça nous sert un peu de baromètre, si on veut, au thermomètre, pour connaître un peu la température de notre iman, ou alors le degré de notre iman, de notre foi. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, il parle des hypocrites dans le Coran al-Karim. Et il dit, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا قُسَالَةِ. Et quand ils se lèvent pour la prière, subhanallah, ça c'est qui les hypocrites, ça veut dire ils prient. Mais ils se lèvent pour la prière, mais ils se lèvent avec paresse. Ça c'est les hypocrites. Donc Allah Azza wa Jal rappelle que les hypocrites ils priaient, mais quand ils priaient c'est avec une grosse paresse. Et ça si quelqu'un dit, oh, moi aussi quelquefois j'ai ça, on dit pas non, c'est un hypocrite. Ça c'est des signes de l'hypocrite. Il y a une ressemblance avec les hypocrites, ressaisis-toi, et c'est à toi de travailler ici, ces actes d'adoration, et cette humilité, et ceci tu ne pourras le travailler qu'en apprenant ta religion, yarabbullah. Parce qu'on a besoin de rappel. Là si on n'entend pas ce rappel là, comment voulez-vous que vous dites, il faut que je fasse plus d'efforts dans la prière. Mais quand tu entends un rappel, comme Allah Azza wa Jalla dit, et rappelle, car le rappel profite au qui? Au croyant. Même si tu connais le hadith, même si tu connais le verset, même, mais on a besoin de rappel. C'est l'insan, l'insan yansa, il oublie, il a besoin de rappel. Et ça fait toujours du bien le rappel. Alhamdulillah. D'accord? Donc ici, nous disons la prière qui est faite comme il se doit, bi'idnillahi Azza wa Jalla. Ya bunay aqimis salat, wa'mur bil ma'ruf. On en a déjà parlé ça. Ordonne le convenable, interdit le blâme. Là, on en a parlé et on a rappelé que ça, Allah Azza wa Jal ici, il nous recommandait de motiver nos enfants dès leur plus jeune âge à emprunter cette voie qui est la meilleure des voies, qui est la voie de da'wat ilallah Azza wa Jal. D'accord? De ressembler au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam, à Ibrahim alayhi salam dès leur plus jeune âge. Ordonne le convenable et interdit le blâme. Sois pas égoïste. Ne vis pas que pour toi. Khalas, tu fais la prière. Tu as compris la religion. Transmets. Ne reste pas dès leur plus jeune âge. Et imagine-toi dès un enfant. C'est très bien que un enfant qui dès son plus jeune âge, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vas le mettre dans la mécanique. À 15 ans, ça va être déjà, hein, mashallah. Tu le mets dans n'importe quel, ici, n'importe quelle chose, n'importe quel, travail. Ici, tu as dès 5 ans, 6 ans, ou n'importe quelle voie. C'est très bien qu'en 5 ans, surtout à cet âge-là, 5 ans, 6 ans, c'est des, entre guillemets, disques vierges. Donc on sait très bien qu'il va acquérir ici d'énormes bases et beaucoup d'expérience. Et que dire si tu l'éduques depuis son âge, qui est 5 ans ou 6 ans, à être un prédicateur. Oui. Attends-toi à avoir un superbe résultat, bi'idnillah azza wa jal, alors qu'il n'a que 10 ans ou 11 ans. Attends-toi à ça. Pour ça, on entend des jeunes 10 ans, 11 ans, wallah, ils font de da'wah déjà. Khlas. Ils font déjà de da'wah, ils font... Et wallah, pour les frères qui ont été déjà en Arabie Saoudite, ici, que ce soit pour l'Umrah ou pour le Hajj, moi j'en ai vu plein. Wallah, des jeunes qui marchaient dans la mosquée, et tu les voyais marcher, juste dans leur démarche. Wallah, étonnant. Masha Allah, tabarakallah. Les jeunes, ils avaient quel âge? En général, tu les vois, ils ont 10 ans, ils ont 9 ans, 8 ans, wallah, allez, 11 ans, 12 ans. Mais tu les vois avec le Coran al-Karim, et ils vont dans les cercles d'apprentissage du Coran, et tu vois une maturité en eux, subhanallah, comment ils parlent avec leur professeur, comment ils se lèvent, comment ils se déplacent avec leur qamis, masha'Allah. Tu dis, subhanallah, ce comportement, juste ce paysage-là, tu ne l'as jamais vu, alors que devant toi, quelquefois, il y a des centaines de personnes qui ont 30 ans ou 40 ans. Tu vois la maturité juste dans sa démarche. Juste dans la façon de prendre son Coran, comment il s'assoit, comment il apprend, juste ça te fait monter l'iman. Fawarab al-Ka'ba, ça te fait monter l'iman. Et pourquoi dire, ou comment dire le contraire, alors que si n'importe qui d'entre nous voit un enfant, ou son propre enfant, imagine-toi, qui a 10 ans, 11 ans, et mashallah, il connaît 30 hizb, ou là le Coran par cœur, ou là, ici il a un bon comportement, il parle avec modestie, il est posé, et il... Est-ce que tu ne seras pas heureux? Wallah, tout le monde sera heureux, c'est normal. Sauf le pervers, ou sauf l'égaré, ou sauf le... Voilà qui, quelqu'un qui a bien compris cette religion, peut-être que heureux. Voilà qui, là, pour récolter des fruits comme ça, ya Abdallah, il faut semer les bonnes graines, et de la bonne façon. D'accord? Et il ne faut jamais cesser d'arroser ici ces graines. C'est pas simplement tu sèmes, stop, non. Ah, donc il faut toujours continuer, il faut un suivi, il faut, pour que, bi'idnillah azza wa jal, tu récoltes les bons fruits. Parce qu'après, c'est trop tard, ya Abdallah. Combien de gens maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe de chez catastrophe. Vous savez très bien. Que ce soit les musulmans, les non-musulmans, ils se plaignent. À 13 ans, 14 ans, ça, il y a des enfants, c'est, je vais pas dire, irrécupérable de façon totale, voilà, qui est presque irrécupérable. comment ils parlent à leurs parents, comment, et ça devient de pire en pire. Vous voyez très bien que ça va très vite. Maintenant, les enfants, comment ils sont de plus en plus durs dès leur plus jeune âge. Et ça, c'est la société qui fait ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a autour de nous. C'est la télé, c'est les médias, c'est l'ambiance, c'est l'environnement. C'est maintenant tout est mis en place pour que, malheureusement, souvent, les enfants se perversent, ils rentrent dans la perversité de plus en plus tôt. Et dans l'insolence de plus en plus tôt. Et dans le manque de pudeur de plus en plus tôt. Et comme je le cite souvent cet exemple-là, il suffit de regarder les dessins animés d'aujourd'hui. Et on sait très bien que nos enfants, c'est des disques vierges. Et nos enfants, on a tendance à les passer devant des dessins animés pendant des heures dans la journée. Voilà, iyadou billah. Alors imagine-toi, ton enfant, avec sa concentration quand il regarde un dessin animé, chaque jour tu le mets juste simplement une heure, alors qu'il peut te regarder des heures et des heures de Mickey et compagnie. Juste une heure par jour, devant un cours. Une heure par jour, non, une demi-heure, non, un quart d'heure par jour, juste un rappel de Coran. Juste un quart d'heure, 15 minutes, va pas plus loin, juste ça. Wallah, et tu fais avec lui depuis ses 3 ans, 4 ans, juste 15 minutes, tu commences avec lui. Surat al-Fatiha, surat al-Ikhlas, surat al-Falaq, surat al-... Juste 15 minutes par jour, rendez-vous alors qu'il a 10 ans, et tu verras. Et tu verras le résultat. Donc c'est pour ça que nous disons, l'ahibba, ce n'est pas une mince affaire, et il ne faut surtout pas négliger l'âge bas de nos enfants. Mais au contraire, il faut fournir un maximum d'efforts. Et la cause principale de la bonne éducation de nos enfants n'est autre que quoi? C'est quoi? La mère, le père, les deux. C'est nous. D'accord? Donc, plus toi tu seras pieux, et bien, idnillah azza wa jal, plus tes enfants, incha'Allah ta'ala, seront pieux. C'est la meilleure des causes de l'éducation. Corrige-toi toi, Allah Azza wa Jalla s'occupera de ton enfant, bi'idnillah, si tu fais les causes. Sois pieux, t'inquiète pas. Sois vertueux, t'inquiète pas, bi'idnillah Azza wa Jalla. Comme il a dit Jabir radiyallahu anhu wa arda, Allah Azza wa Jalla, il rend le fils du père vertueux, vertueux. Allah Azza wa Jalla fait que l'homme qui est vertueux, son fils soit vertueux. Si bien sûr il utilise les causes. Ça c'est une qa. Un point d'une qaïda, une règle générale, en islam, si les enfants sont pieux, si les parents sont pieux, les enfants sont pieux. Et même les non-musulmans, ils l'ont compris depuis des années. Tel père, tel fils. C'est vrai ou pas? C'est la vérité, de toute façon. On sait très bien que le caractère du père reflète beaucoup chez les enfants, et particulièrement chez les fils. Caractère de la mère, beaucoup chez les enfants, et particulièrement chez la fille. Donc nous disons, ici, soit une personne pieuse, avec une bonne intention, et fais les causes selon ton niveau. Et bien, ne t'inquiète pas. Le prophète Mohammed, alayhi afdalu salat wa sakat taslim, c'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. La meilleure des créatures, il est né sans père. Son père était décédé, orphelin. Sa mère est décédée à 6 ans. C'est qui l'a éduqué, son père ou sa mère? Allah Jalla Jalal. Allah Azza wa Jalla. Il rappelle à l'ensemble de l'humanité que celui qui guide et celui qui égare, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes que des causes. Wal asbab la tanfa wa la tamna. Ici, elle ne profite en rien, elle n'enlève rien, elle n'ôte rien, elle ne t'est bénéfique que par la permission de celui qui met les faits dans les causes, c'est-à-dire Allah azza wa jal. Khalas. Mais on a besoin des causes. Mais Allah, il nous donne une leçon ici. Meilleur des créatures, ni père ni mère. T'inquiète pas. Allah azza wa jal, il s'en occupe. Bi'idnillah azza wa jal, occupe-toi de toi et fais les causes. T'inquiète pas, le reste, Allah, il s'en occupe. C'est quelque chose de pas facile pour Allah. Plus que facile. Allah Azza wa Jalla, il pliera les cieux et la terre au jour de la résurrection avec sa main droite. Et il dira, Ana al-Malik. Il dit, c'est moi le roi. Les cieux et la terre avec sa main droite. Wal-Iman bihi wajib. Wal-Kayf majhoul. Ici, se dire, mais comment exactement et comme, khlas, nous, on croit qu'Allah, il va plier les cieux et la terre avec sa main droite. Comme il est relaté dans le Sahih. Et comme Allah l'a rappelé dans le Coran al-Karim. Et ici, il dira, c'est moi le roi. C'est moi le roi, Ana al-Malik, les cieux et la terre. Est-ce que tu crois que guider ton fils, c'est dur? C'est une chose plus que facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit dans le Coran, et quand il veut quoi que ce soit, il dit quoi? Kun fayakun. Soit et c'est. Et il n'a même pas besoin de dire soit, mais c'est que pour nous, on comprenne que c'est très rapide. Soit et c'est. Allah, il n'a même pas besoin de dire soit. Il veut que ça soit, c'est. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une question de yaqin, de tawakkul, et al-akhd bil asbab, wajib. Et le fait d'utiliser les causes, c'est obligatoire. Ya bunay, aqim as-salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Khlas, occupe-toi de toi, ordonne le bien, interdis le mal, walakin obligatoire wasbir 'ala ma asabak. Patient à ce qui va t'arriver. On en a parlé aussi la semaine dernière. La patience est obligatoire. tu n'as pas le choix, tu es obligé de patienter. Allah Azza wa Jalla dit, ô mon enfant, accomplis la prière, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Et il dit quoi? Inna dhalika min azmi al-umur. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. C'est quoi? Telle est la résolution. Ça veut dire quoi? Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. C'est-à-dire? La patience. Dans toute entreprise, dans toute affaire que tu fais, c'est, tu te dois de patienter. Inna dhalika min azmi al-umur. Dans toute entreprise, dans toute affaire, tu dois toujours patienter. Tu dois toujours patienter. Et ici, Allah Azza wa Jal, il rappelle que Luqman a dit à son fils, patiente, d'accord? Endure ce qui t'arrive avec patience, pour nous rappeler que les épreuves, tu les auras obligatoirement. Obligatoirement, tu seras éprouvé. Ça n'existe pas une personne sur la surface de la terre qui n'est pas éprouvée. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas un sur la surface de la terre qui n'est pas éprouvé. La preuve de cela, Allah Azza wa Jal dit quoi dans le Coran? C'est quoi la preuve comme quoi tout le monde est éprouvé sur la surface de la terre? Qui connaît la preuve? Personne connaît la preuve. Non, on a créé l'être humain, d'accord, pour une vie de lutte. Non, mais c'est pas une preuve claire. Allah Azza wa Jalla dit, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Il l'a dit ou pas Allah? On va vous éprouver par quoi? Par le mal et le bien. On va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Ça c'est la preuve que tout le monde sur la surface de la terre est éprouvé. Pourquoi? Tu es dans deux situations. Soit tu es dans le bien, soit tu es dans le mal. C'est clair. Soit quelqu'un va dire j'ai pas d'épreuves, ou soit quelqu'un va dire j'ai des épreuves. Pas trois solutions. Ou soit quelqu'un va dire j'ai un peu d'épreuves et ça va un peu bien. Mais dans tous les cas, khalas. Tu as du bien et tu as du mal. Et Allah il rappelle que quoi? On va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. La preuve, quand tu es dans le mal, c'est une épreuve. Et quand tu es dans le bien, c'est une épreuve et c'est la plus grande des épreuves. Parce que quand tu es dans le mal, tout le monde dit « ya Rab, qiyam al-layl, al-buka, al-khushu', al-masha'Allah ». Vous savez, quand tu as des gros... Et plus là, l'épreuve est grande, et plus ta alaqa avec Allah, Azza wa Jalla, ton lien il est très fort, masha'Allah. Et quand tout va bien, alhamdulillah, pour penser à Allah, il faut y aller pour penser à Allah Azza wa Jalla. Illa ma rahim Allah. Donc ici, on voit que c'est plus difficile de s'accrocher à la religion chez beaucoup de gens quand tout va bien chez eux que quand il y a des problèmes. Et c'est pour ça que les savants disent, être éprouvé par le bien, c'est encore plus grave. Parce que être éprouvé par le bien, ça te fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala et cette religion. Et donc Allah Azza wa Jalla, il éprouve les gens par le bien, c'est-à-dire en leur donnant des richesses, en leur donnant la bonne santé, en leur donnant le confort, en leur donnant du bien et pour les tester. Ah, est-ce qu'ils vont être détournés du rappel d'Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'ils vont être parmi les instructions? Ou est-ce qu'ils vont être reconnaissants et vont rester fermes dans la religion? Parce que tout vient d'Allah Azza wa Jalla. Le mal et le bien. Mais le mal, c'est toi qui l'as provoqué. Mais tout vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc ici, si tu as du bien, c'est Allah Azza wa Jalla qui te l'a donné pour t'éprouver. Si tu as un mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu pour t'éprouver. Allah, il a dit, on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Est-ce que, ici, à titre de tentation? D'accord? Donc, ici, tout ce qui nous arrive, c'est une épreuve. Donc ici, il nous rappelle que la patience, on doit l'avoir dans toute situation et dans toute affaire. Et ici, parmi les choses à retenir aussi, c'est que l'insan, plus il est éprouvé, et plus il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quand Allah veut du bien pour un homme, il l'éprouve durement. Quand Allah veut du bien pour un homme, il l'éprouve durement. Et Allah dit dans le Coran, Inna Allah ma'a sabirin. Allah est avec les patients. Allah dit dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il rétribue de quelle manière les patients? Innama yuwaffa as-sabirun ajran bi ghayri hisab. Allah Azza wa Jal, il montre la récompense du patient, il dit, il donne la rétribution, ici, la récompense, il va rétribuer les patients sans compter. Il ne dit même pas telle récompense. Bi-ghayri hisab. Tellement qu'elle est énorme la récompense qu'auront les patients. Ja'a fi sahih, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il est rapporté que les gens au jour de la résurrection, quand ils vont voir ce qui leur est réservé par Allah Azza wa Jal, à cause de leur patience, ils vont dire, Ya Rab, on aurait souhaité quoi? Pas pire. Quoi, mais quoi exactement ils diront? Le hadith de Tajib Bashkhal al-Bani. Qu'on nous coupe la peau avec des ciseaux ou des tenailles. Quand ils vont voir la récompense, ils diront, Ya Rab, si on savait, Allah, on aurait aimé être éprouvé jusqu'à ce qu'on nous coupe la peau avec des cisailles. Autant tu fais pas Shikhal al-Bani. Tellement qu'ils vont voir que la récompense elle est énorme pour les patients. Na'am, inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Le prophète Azim il a dit Allah quand il aime un peuple, il les éprouve. Allah Azim quand il aime un peuple, il les éprouve. Et la patience, c'est le chemin qui est à prendre obligatoirement si tu veux arriver à destination et cette destination n'est autre que quoi le paradis. La preuve, Allah dit dans le Coran al-Karim, Am hasibatum an tadkhulu al-jannah. Est-ce que vous pensez rentrer au paradis, ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم, alors que vous n'avez pas encore reçu ici les épreuves de ceux qui vous ont précédé, ici مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, misère, famine, ici les ont atteints jusqu'à ce qu'ils furent secoués, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, jusqu'à ce que le prophète et ceux qui étaient avant lui, les croyants avec lui, ou plutôt les croyants qui étaient avec lui, ont dit, mais quand viendra le secours d'Allah? Et Allah il répond, Ala inna nasrallahi qarib. Quoi? Le secours d'Allah il est proche. Donc ici Allah dit, pensez-vous rentrer au paradis? Alors que vous n'avez pas encore subi ce que subirent ceux qui vous ont précédé. C'est-à-dire misère, famine, etc. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous rappelle que si on veut le paradis, on doit passer par ce chemin, cette route. D'accord? Cette route elle est indispensable. Tu ne pourras jamais arriver au paradis sans passer par cette route. Cette route c'est quoi? C'est la route de la patience. Tu dois patienter obligatoirement. Donc, on doit être éprouvé. Et Allah, il dit dans le Coran, Al-Karim, tu dois vivre de jour comme de nuit, jusqu'à la fin de ta vie, avec ce verset coranique. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne donne pas une âme une charge de sa capacité. C'est pas des épreuves, t'inquiète pas. Tu peux les supporter, bi'idhnillah azza wa jalla. Mais n'oublie jamais. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Et seuls ceux qui ont reçu des grandes épreuves et des dures épreuves, bi'idnillahi azza wa jal, ils comprendront comme il se doit ce verset coranique. Et patiente, Allah te dit, wasbir, car as-sabr wajib, ijma' al-ulama, c'est obligatoire la patience. Amma rida, la reconnaissance, être satisfait, ça c'est des degrés au-dessus. Tu as une épreuve, tu dis, Arbi, alhamdulillah que tu m'as donné cette épreuve. Et Arbi, je suis content, ça c'est préférable, c'est des degrés au-dessus. Mais la patience, ça c'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Ça c'est obligatoire en islam. Allah il dit wasbir et patient. Wa ma sabruka illa billah. Il rappelle que tu ne pourras patienter sans l'aide, le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous ai dit, seuls ceux qui ont reçu vraiment des dures épreuves, ils comprendront, ils se rendront compte de ce verset coranique comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rappeler de cette dure épreuve et ils vont se souvenir du début de cette dure épreuve. C'est-à-dire, leur comportement. Ils vont se rappeler qu'ils se disaient au début, mais je pourrais jamais patienter. Ou avant qu'il leur arrive cette monseva, ils disaient, si un jour moi j'ai cette épreuve, jamais je patienterai. Mais ici, Allah Azza wa Jalla dit, wasbir, wa ma sabruka illa billah. Allah, il te rappelle que c'est lui qui t'aide à patienter. Et lui, Allah, il te facilite la patience. Et celui qui s'efforce à patienter, Allah Azza wa Jalla l'aidera à patienter. Et ici, cette personne-là, quand elle a subi cette dure épreuve, et quand elle a vu au fur et à mesure qu'elle s'y est faite, et qu'elle se dit, même après, je sais pas comment j'ai patienté, là tu commences à comprendre bien ce verset coranique, wasbir wa ma sabruka illa billah. Comment j'ai fait? Na'am, Allah m'a facilité. Et quand tu as une épreuve, et tu vis avec ce verset coranique, alhamdulillah, ça t'apaise. Tu sais très bien qu'Allah t'abandonnera pas. Qu'Allah aime les patients. Et que plus tu feras des efforts pour patienter, plus Allah Azza wa Jalla t'aidera à patienter. Et n'oublie jamais ce récit prophétique, qui est jugé faible par certains genres de sciences, mais comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala min hayth al-ma'na qawi, du point de vue du sens, il est très fort, il est en parfaite ici concordance avec les versets coraniques et les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, inna an-nasra ma'a as-sabr. Allah azza wa jalla rappelle, le secours vient avec quoi? Avec la patience. Wa inna al-faraja ma'a al-karb. Ici le soulagement vient avec quoi? Avec les soucis, avec l'angoisse, avec le stress. C'est avec ça, ça accompagne. Quand tu as beaucoup de soucis, de stress, d'angoisse, sache que le soulagement, il va venir, il est proche. Wa inna ma'al usri yusra. Et auprès de la difficulté, il y a la facilité. Comme Allah nous l'a rappelé dans le Coran, il l'a répété deux fois. Innama'a, avec. Il n'a pas dit après la difficulté, mais il dit avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. C'est-à-dire que auprès de chaque difficulté, il y a obligatoirement une facilité. Donc il y a toujours une issue pour le croyant qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, sadaqa jalla wa ala, il yaqul wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui suffit. Mais la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, si tu l'as bien compris, fa wa rabbil ka'ba, ça te fera oublier tous tes problèmes, et en plus de cela, ça ne fera qu'accroître ta certitude envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ad-dalilu ala dhalik, Ibrahim alayhi salam. Ils ont dit, prenez-le et jetez-le dans le feu. Ibn Kathir rappelle, et il rapporte qu'ils ont pris une catapulte. Et ici, qui a été faite par des Kurdes. Et ici, ils ont mis Ibrahim dans la catapulte, et ils ont préparé un énorme feu. Certaines versions, certains genres de sciences divergent disent que c'est un hadith faible, ala kulli hal. Tellement qu'il était grand le feu, les oiseaux qui passaient au-dessus, ils tombaient cramés. Un énorme feu, tellement qu'ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose de grand pour déjà donner une leçon aux gens. Et ici, en plus de ça, pour lui faire vraiment mal. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans la catapulte, ils ont voulu le jeter dans le feu. Certaines versions, jugées faibles encore, mais je les cite. Et ici, ça c'est une règle, dans Mustalah al-Hadith. Ici, quand vous voyez qu'il y a des récits prophétiques qui sont faibles, mais qui sont très connus, citez-les, il n'y a pas de mal, mais en rappelant aux gens qu'ils sont faibles. Ça c'est une règle dans Mustalah al-Hadith. Donc ici, il est rappelé que des anges sont venus, ils ont dit, demande ce que tu veux, et nous, on t'aidera. Et ici, par la permission d'Allah, Azzawajal, Allah t'enverra le secours. Et Ibrahim, alayhi salam, il a dit, je ne veux pas de votre aide, mais je m'en remets en Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, à la kulli hal, ce qui est authentique, c'est que Ibrahim, quand ils ont dit, jetez-le dans le feu, il a dit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Regardez cette parole, qui vaut plus que de l'or, et qui est une des causes, irhamukallah, de la délivrance et du soulagement quand tu as des épreuves. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il faut bien les vivre avec ces paroles et bien les comprendre. Hasbi Allah, Allah me suffit, wa ni'mal wakil. Et quel bon garant. Il a dit, voilà, cette parole, c'est tout. Ils l'ont jeté et Allah Azza wa Jal, il a rappelé que le feu ne brûle que par sa permission. Il a dit, wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Comme Allah le dit dans le Coran al-Karim. Allah, il a dit, et on a dit au feu, soit bardan wa salaman ala Ibrahim. Fraîcheur et paix pour Ibrahim. Il a rapporté qu'il a dit, les meilleurs jours de ma vie, je les ai passés dans ce feu. Allah, il a fait que c'était un jardin parmi les jardins du paradis. Et Allah, il a rappelé que quoi, le feu brûle, mais le feu, c'est qu'une cause. Il est fait dans les causes, c'est Allah qui le met. Le feu, c'est le feu. Mais il brûle par la permission d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Si Allah ne veut pas que le feu brûle, il ne te brûlera pas. Et là, c'est une question de tawakkul aussi. Mais on ne dit pas aux gens, allez vous jeter dans le feu pour tester votre tawakkul. D'accord? On n'a pas le niveau déjà, hein? Et ce n'est pas demandé ça en islam. Bien que certains sahaba le faisaient. Mais pas avec le feu. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda, comme j'ai dit sahih. Un jour, alors qu'il y avait de la nourriture ou une boisson, un des deux. Ils m'ont mis un récipient et ils lui ont dit qu'il y avait du assam, du poison dedans. Poison, ça te tue. Donc il y avait du poison. Il a dit, ah, du poison, donne, bismillah. Il a bu. Il est jamais mort. Khalid ibn al-Walid. Et juste pour montrer, regardez le tawakkul que j'ai. Khalas, il y a du poison, je le prends. Tu oserais toi faire? On sait que t'as du poison, tu peux mourir. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu arda, at-tawakkul ala Allah azza wa jal. Et c'est pour ça, certains savants disent ça, c'est qui? C'est le sahaba radiyallahu anhu arda. Mais quand même, il faut savoir, ça dépend de ton degré de iman, de foi. Plus tu as tawakkul ala Allah azza wa jal, et plus, bi-idnillah azza wa jal, ce qui est mauvais, ce qui est mal, ne te portera pas préjudice. Le poison, ça porte préjudice, dû à sa confiance en Allah azza wa jal, ça lui a rien fait. Pareil, tes épreuves ne te porteront pas grand préjudice, mais idnillah azza wa jal, si tu patientes comme il se doit. Rapporté par Ibn Hibban, bi sanadin sahih, le prophète alayhi salatu wa salam, il a été interrogé. Et ils ont dit à Rasulallah, quels sont les hommes les plus éprouvés, ceux qui ont les plus durs des épreuves? Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, al-anbiya, les prophètes, puis les hommes exemplaires et ainsi de suite. C'est-à-dire ceux qui les suivent dans la piété, dans le bon comportement, etc. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, les hommes sont éprouvés en fonction de l'ampleur de leur iman. Plus tu as la foi, plus tu as des épreuves. Et il dit ainsi, celui qui a une foi ferme aura des épreuves plus dures. Et celui qui a une foi faible aura des épreuves plus légères. Et ça, c'est encore une preuve de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va pas donner une épreuve extrêmement dure à une personne qui est faible de foi, non. Mais le fait que tu as des grandes épreuves, c'est un bon signe. C'est la preuve que quoi? Bi-idnillah, tu es aimé par Allah azza wa jal. Et que tu as un certain degré de iman, insha'Allah ta'ala. Et l'homme subit un grand nombre d'épreuves, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans le hadith, jusqu'à ce qu'il parcourt la terre sans avoir plus aucun péché. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, l'homme ne cesse d'être éprouvé dans sa personne, dans ses enfants et dans ses biens, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur sans aucun péché, sans aucune faute. L'homme ne cesse d'être éprouvé dans sa personne. Allah va t'éprouver dans ta personne. Maladie, etc., soucis, autres. Dans ses enfants, perte d'enfants ou autres. Et aussi dans ses biens. D'accord? Et regardez, c'est parmi les choses qu'on chérit le plus. Notre propre personne. Qui va dire, moi je m'aime pas. Sa propre personne. À côté, il y a les enfants. Et à côté, il y a les biens. Et il dit, tu ne cesseras d'être éprouvé dans ta personne, tes enfants et tes biens, jusqu'à ce que tu rencontres Allah Azzawajal sans aucune faute. Et voilà, on comprend mieux pourquoi un prophète parmi les prophètes et parmi les meilleurs des prophètes, Nuh alayhi salam, a été éprouvé par son enfant, son fils, jusqu'à ce que son fils est mort comment? Mécréant. Jusqu'à ce qu'il a dit, ya Allah, c'est mon fils. Allah Azzawajal a dit, il ne fait pas partie des tiens. Et Allah, il rappelle que quoi? Toi, ton fils, vous vous appartenez même pas à vous-même. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'est pas des vôtres. Donc ça, c'est son fils. Il m'a dit, viens, suis-moi. Non, je veux pas te suivre. Moi, je vais aller me réfugier là-bas. Subhanallah. Nuh alayhi salam. Regardez, Allah azza wa jalla, quelquefois, il nous rappelle que il éprouve même un homme pieux, d'accord? Par la désobéissance de son fils. Mais ça, c'est des exceptions. Et c'est, on comprend mieux ce cas-là, quand on voit le hadith du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, quand il dit, Allah azza wa jal, il ne cessera d'éprouver la personne, dans sa personne, ses enfants, et ses biens, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur tabaraka wa ta'ala, sans aucun péché. Et ici, il y a plusieurs degrés de patience à avoir. Et ça, c'est connu. Il y a la patience face aux épreuves. Il y a la patience face à quoi? À ta'a, ici l'obéissance ou les obéissances, et la patience face aux actes de désobéissance. Donc il y a la patience face aux épreuves, c'est-à-dire plutôt face au décret divin, pour être plus clair. D'accord? Au décret divin. Par exemple, tu n'as pas le choix, tu dois patienter, il y a un tremblement de terre, tu vas faire quoi? Voilà, c'est les décrets divins, khlas. Tu dois avoir cette patience-là. Ici, il y a la patience face aux actes d'obéissance. Ah, la prière, c'est un acte d'obéissance. D'accord? Allah, il dit, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. D'accord? Il dit, ici, et cherchez de l'aide auprès de la prière et de la patience. D'accord? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِيرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille de faire la prière et sois endurant, constant quant à cet ordre-là. Dans les actes d'obéissance, comme, الدعوة إلى الله, الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر, الصلاة, الزكاة, Ramadan, on doit patienter. Donc, quand tu fais un acte d'obéissance, tu dois patienter. Ça, c'est un type de patience. Face au décret divin, tu dois patienter. Et face aux actes de désobéissance. Ah, tu vois quelque chose de haram, une chose qui te tente, n'importe quoi, quelque chose qui t'attire, quelque chose d'illicite, tu dois patienter. Pourquoi? Donc, il y a ces trois types de patience-là. Et ici, parmi les moyens, ici parce qu'on parle de patience, donc celui qui patiente, c'est qu'il a des épreuves. Qui dit épreuve, dit souci. Qui dit souci, dit tristesse, angoisse, etc. Et rapporté par l'imam Ibn Hibban et Ahmed Bissanadin Sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute personne qui est touchée par un souci, ou alors une angoisse, ou une tristesse, il dit cette invocation. Ou alors, et qu'il dit cette invocation. D'accord? Toute personne qui est touchée par l'angoisse, al-ham, wal-gham, wal-karb, l'angoisse, les soucis, les tristesses, et qui dit cette invocation, que je vais citer là, c'est une dua, ça provient d'un hadith authentique rapporté par Ahmed et d'autres. Ici, si tu dis cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il va t'éloigner les soucis, les tristesses, les angoisses, mais en plus de cela, il va transformer ses angoisses, ses problèmes, ses tristesses par un soulagement, par une joie. As-sahaba, ils ont dit à Rasulallah, est-ce qu'on doit apprendre ces paroles-là? Donc cette invocation que je vais vous citer, est-ce qu'on doit l'apprendre? Il a dit, na'am, vous devez l'apprendre. Donc le prophète, il a dit, apprenez-la. Donc ça nous rappelle qu'on doit apprendre cette invocation. L'invocation, de façon rapide, Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ici, le prophète عليه السلام, il a dit, avec une traduction approximative, Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet, c'est le devant. D'accord, c'est le front, d'accord, le devant du cerveau. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret à mon encontre est juste. C'est comme si tu disais, Ya Allah, ce que tu as décidé, c'est produit. Et ce que tu as décidé est juste. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu disais, Ya Rab, je ne me plains pas de ce qui m'arrive. Et je me plains pas de toi. Plus précisément, je me plains pas de toi. Khalas, car ce qui m'est arrivé, c'est toi qui l'as voulu, ça dépend de ton jugement, et toi tu es juste et équitable. Et ensuite tu dis, ton décret à mon encontre est juste par tes noms avec lesquels tu t'es nommé, que tu as révélé dans ton livre, que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé en secret dans ta science, dans ta science. Ici, ça c'est une preuve que quoi? Le prophète Hassan, il a dit, Allah Azzawajal, il a combien de noms? 99. Mais ça, c'est la preuve que quoi? Allah, il n'a pas que 99 noms. Parce qu'il a dit, ah, et que tu as gardé auprès de toi. Mais nous, on en a connaissance de combien? 99. Clair? Je te demande de rendre le Coran, ou de faire du Coran, l'épanouissement de mon cœur. La lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse, et la fin de mes soucis. Le prophète, il a dit, celui qui le dit avec certitude, en comprenant bien ses paroles, en bien les méditant. Ici, Allah, tous tes soucis, il les transforme en quoi? En joie et en soulagement. Et plus tu as des problèmes, plus le remède, il faut l'utiliser plusieurs fois. On l'a rappelé déjà. Attention, déjà, il dit, moi, je n'ai dit, j'ai rien. Ah, ici, tu dois te plaindre à qui? À toi-même. Tu dois accuser qui? Allah, toi. Le prophète, alayhi salam, je vous rappelle toujours ce hadith authentique où ici, un homme est venu voir, il dit, mon frère se plaint de son mal de ventre. Il dit, dis-lui de boire du miel. Il revient. Il est encore. Dis-lui de boire du miel. Il revient. C'est pire. Et dis-lui, il lui a dit quoi? Dis-lui à ton frère, Allah dit la vérité, son ventre, il ment. Dis-lui, prends du miel. Khalas, Allah il dit c'est une guérison. Donc il a pris, il a dit khalas, il a plus mal. Donc ici, nous ça nous rappelle que quand tu dis une fois une invocation, si ça marche pas, il y a pas d'épée, accuse-toi toi-même et répète-la. 2 fois, 10 fois, 100 fois. Quelquefois, ça va te suffire 1 fois. Quelquefois, 2 fois. Quelquefois, 4 fois. Mais en tout cas, bi'idnillah azza wa jal, il y aura un résultat. Donc ça là, vous la retrouvez dans la citadelle du musulman. Ici, cette invocation bi'idnillah azza wa jal, apprenez-la par cœur et méditez-la. Et bihawlillahi azza wa jal, car le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé qu'on devait l'apprendre. Et quand on dit apprendre, on dit aussi comprendre. Donc cette invocation, elle est tellement forte en sens, et plus le résultat est impressionnant, et plus le moyen est impressionnant et grand. Donc si le résultat est impressionnant, non seulement tes soucis disparaissent, mais Allah il les transforme en joie et soulagement, c'est que cette invocation, elle renferme de nombreux trésors. C'est pour ça, bi'idnillah azza wa jal, je laisserai un moment, je sais pas quand, peut-être à l'extérieur, quand je serai à l'extérieur ou autre, ou dans un endroit, je verrai, mais inshallah, une petite vidéo, ça mériterait de 10 minutes ou un quart d'heure, en rappelant doucement, en français et en arabe, cette invocation, le hadith dans les détails, et en donnant l'explication de chaque parole qu'a donné le prophète alayhi salatu wassalam. On va donner une petite explication, je donnerai une petite explication inshallah ta'ala pour quand la personne récite cette invocation, elle soit dedans. Vraiment comme il se doit, elle comprenne vraiment le sens de l'invocation. Bi'idnillahi azza wa jal. Inna dhalika min azmi al-umr. Donc ça, c'est la patience, tu dois l'avoir dans toute affaire. Toujours tu patientes. Et n'oublie pas quand tu es éprouvé, ça c'est un bon signe, bi'idnillahi azza wa jal. Mais n'oublie jamais, ne demande jamais les épreuves. Mais quand les épreuves viennent, sois ferme, patient, wasbir, wa ma sabruka illa billah. Donc, augmente les invocations. Et dis à Allah Azza wa Jalla de te raffermir quand il y a des épreuves. Et plus l'épreuve elle est immense, ah, inna nasra ma'a sabr, wa inna al-faraja ma'a al-kar, wa inna ma'a al-usri yusra, ça veut dire que quoi? Obligatoirement, ça y est. Plus elle devient grande, plus la, le soulagement, il est proche, ça y est. Ça c'est une preuve, claire, hein. Plus l'épreuve elle est énorme, plus ça veut dire que le soulagement elle est très proche. Et plus tu vas te précipiter à avoir le résultat de tes invocations, et moins ici le résultat viendra rapidement. Comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a rappelé, et plus par contre tu vas te concentrer dans comment tu invoques Allah Azza wa Jalla, tu vas patienter, tu n'attendras pas rapidement, tu vas pas te précipiter quant au résultat, et plus le résultat et le soulagement viendra rapidement bi'idhnillah Azza wa Jalla. Donc ici, on se doit de patienter, le dire avec la bouche c'est facile, walakin quand on le vit c'est autre chose, et c'est pour ça on se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir ici lors des épreuves. Alakam al-Aisha 44. Et ici, on arrive vers la fin, walakin on n'aura pas le temps de terminer. Ala kulli hal, Allah Azza wa Jalla dit ici concernant Luqman, que Luqman a dit à son fils, après ses recommandations, il continue avec des superbes recommandations, il dit وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَارَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ensuite il lui dit et ne détourne pas ton visage des hommes. Regardez, subhanallah, les exhortations. At-tawhid, as-salah, al-amru bil-ma'ruf, an-nahi an-il-munkar, as-sabr, at-tawadu. Toutes les recommandations qui valent plus que de l'or. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, ordonner le convenable, interdire le blâmable, patienter, et ensuite la modestie. Imaginez-vous, regardez l'éducation qu'elle a donnée à son fils. Si nous, on éduque nos enfants, non, avant ça. Sinon, on s'éduque déjà avec ses recommandations. Masha'Allah, tabarakallah. Et ne détourne pas ton visage des hommes. Et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Regardez. Ne foule pas la terre avec arrogance. Et dans un autre verset coranique, Allah Azza wa Jalla dit quoi? La tamshi fil ardi maraha? Innaka la. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla? Lan takhriq al ard. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Tu ne pourras jamais fendre la terre. Et tu ne pourras jamais atteindre l'auteur des montagnes. Subhanallah, regarde Allah comment il exhorte la personne, l'orgueilleux. Tu ne marches pas ici avec plein de glorioles, avec plein, en étant présomptueux, orgueilleux, en te montrant ou en te gonflant trop. Allah, regardez comment il rabaisse l'insan. Il dit, tu ne pourras jamais fendre la terre. Et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Donc reste à ta place, Abdullah. Et celui qui a joué à ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qarun. Il est rapporté que quoi? Juste les clés de son trésor. Comment il le portait? Plus de 10 hommes forts, il fallait des dizaines d'hommes forts pour porter juste la clé de son trésor. Et il marchait avec orgueil. Allah, il a ordonné à la terre de l'engloutir jusqu'au jour de la résurrection. Comme Allah, il a rappelé dans le Coran al-Karim. Al-An, il est englouti par la terre. Et on sait qu'il y a combien de cieux? 7. Et à combien de terres? 7. Allah Azza wa Jalla, il nous a rappelé dans le Coran al-Karim qu'il a créé 7 cieux. Et pareil, concernant les terres, c'est-à-dire 7 terres. Comment ils sont, les détails, etc. Allah Ta'ala a'lamu al-hikam. Pas de détails dans le Coran et dans la Sunna, mais fait à mes salafs et ummah. Voilà qu'on y croit. Au jour d'aujourd'hui, Allah, il a encore ordonné où la terre ne cesse d'engloutir Qarun. Donc attention. Là, tu marches sur la terre qui témoignera pour ou contre toi au jour de la résurrection. Cette terre dont Allah Azza wa Jalla dit wa akhrajat al-ard athqala, ici elle va sortir la terre ses fardeaux. Cette terre elle va témoigner pour ou contre toi, et cette terre c'est la terre d'Allah Azza wa Jalla. Tu fais pas ce que tu veux sur cette terre. Allah, il a vu cette personne marcher de cette manière-là, il lui a donné une leçon, il a donné une leçon à l'ensemble de la communauté du prophète alayhi salam et des gens jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la fin des temps la terre elle est en train d'engloutir Qarun wal iyadu billah. Et ne te détourne pas des gens. Allah dit dans le Coran, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum. Allah Azza wa Jalla dit, et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc il dit, il t'enjoint Allah subhanahu wa ta'ala de patienter avec les croyants, avec les musulmans. Mais ensuite plus loin, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Il parle de qui ensuite Allah subhanahu wa ta'ala? ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امرهم فرطا. Juste après, ne te détends pas des croyants, des pieux. ولكن n'obéis pas. ولا تطع من اغفلنا قلبه, celui dont on a rendu le cœur inattentif à notre rappel. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, et qui suit ici ses passions. وكان امره كما ركنت يا رب وكان امره فرطا, et son comportement est tout transient. Faut pas dire je passe avec tout le monde. Abada. Est-ce que le prophète quelquefois il se détournait des personnes? Naam. Donc ici nous disons, tu te détournes pas des croyants et des musulmans et tu dois patienter. Mais quand tu as en face de toi un ignorant qui persiste dans son égarement, ou quelqu'un qui veut faire du mal à la communauté ou à da'wa, ou alors qui fait du mal et qui veut pas se réformer, et qui Allah il a rendu son cœur insouciant à notre rappel, d'accord, et qui suit ses passions, mais comment le reconnaître? Regarde son comportement, il est outrancé, il ment, il est tellement orgueilleux qu'il passe par le salam, ou bien il se détourne des gens de bien, ou bien il veut jamais apprendre la science, ou bien il triche, ou bien il fait beaucoup de médisance. Son comportement est outrancé. Là, à ce moment-là, comment tu réagis avec lui? Allah dit dans un autre verset coranique. Ah, c'est comme ça. On voyage avec les versets coraniques. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامُ. Quand il rencontre un ignorant, il dit salam, paix. Les ulama, ils ont dit, c'est-à-dire, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de son mal. As-salam. مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. As-salam. La paix, tu demandes à Allah, ya Allah, je veux la paix, préserve-moi de son mal, pour que je sois dans la paix. Salam. Donc ça, c'est comme ça que tu réagis avec les ignorants. Mais à la base, tu veux toujours le bien, tu passes toujours avec tes frères. Mais quand il y a un intérêt, tu le fais. Ad-dalilu ala dhalik, rapporté par l'imam Ahmad, bi sanadin sahih. Le prophète, alayhi salatu wa salam, c'était le meilleur avec sa famille. Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli, le prophète il a dit. Hadith très connu. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Moi, je suis le meilleur avec ma famille. Le prophète, il a patienté comme personne n'a patienté avec sa famille. Mais avec cela, rapporté par l'imam Ahmed, il est rapporté que le prophète, alayhi salatu wa sallam, je vous ai déjà cité il y a quelque temps ce hadith-là, dès qu'il entendait quelqu'un de sa famille dire un mensonge, qu'est-ce qu'il faisait? Il se détournait de lui jusqu'à ce qu'il se repente et il se réforme. Ah, ça c'est le prophète. Donc on travaille pas. Vous avez vu l'ignorance? À quoi elle peut mener des gens qui vont travailler avec un verset, un hadith? Ah, dans tous les cas, mon frère, tu dois patienter, non, il y a des fois, ici, tu dois te détourner de certaines personnes. Mais te détourner avec, je pense, je crois, je vois, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَى. Allah, il a interdit de suivre celui qui suit quoi? C'est je pense, je crois, je vois, c'est passion, non? Celui qui parle avec science et clairvoyance et avec hikmah. Donc ici, le prophète, il se détournait sa propre famille, mais il y avait un intérêt. C'est par éducation. Ah, par éducation. Il savait donc qu'il y avait un intérêt. Donc tu te détournes. Quand tu vois que la personne est en tort, quand tu vois que la personne ne veut pas se réformer, et quand tu sais que te détourner, retiens bien ça, te détourner de lui, ça va l'éduquer. Ou c'est la seule solution qui te reste pour être une cause de son éducation. À ce moment-là, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord? Sinon, non. Sinon, patient. Face aux erreurs des gens, face aux erreurs, c'est pas grave. Tant que la personne ne veut pas du mal, tant que la personne n'est pas dans une grande ignorance qui fait qu'il fait du mal à l'islam, aux musulmans, ou à da'wa, ou etc., la patient, pas de problème. La preuve de cela, le bédouin qui est venu uriner à la mosquée. Hadith très connu. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a vu uriner dans la mosquée. C'est la meilleure des maisons sur la surface de la terre, la meilleure. أَحَبُّ الْبِقَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسَاجِدُهَا كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Et avec cela, il a uriné dans la mosquée, les sahaba, ils se sont levés. Ils ont voulu aller vers lui. Ah, laissez-le. Laissez-le, c'est pas laissez-le. Laissez-le terminer d'uriner. Parce que le prophète, il savait que quand tu coupes l'urine à quelqu'un, ça lui porte un préjudice. Et c'est pour ça qu'il y a une règle. إِذَا لَا يُمْكِنْ إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ إِلَّا بِمَا هُوَ أَنْكَرْ فَلَا نُنْكِرْ. Quand tu ne peux enlever un mal qu'avec une autre chose qui est mal ou encore plus mal ou qui va engendrer un plus grand mal, à ce moment-là, tu ne n'interdis pas le mal et tu reportes. Donc le prophète, il savait s'il allait lui dire « n'urine pas », ah, il allait causer un préjudice. Il va lui couper l'urine et ça porte préjudice. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Donc il a reporté. Mais quand il a terminé, il l'a appelé. Il lui a parlé avec sagesse. Pourquoi? Il n'a pas parlé avec dureté. Pourtant, avec des compagnons qui n'ont pas fait ces erreurs, le prophète, il a parlé avec quoi? Shidda, avec dureté. Pourquoi? Parce que lui, c'était un bédouin ignorant. Il n'a pas fait exprès, il connaissait rien. Ah, le hukm, il change. D'accord? Donc ici, il s'est adapté à quoi? Au niveau. D'accord? De la personne, son niveau d'investissement religieux, son niveau de science, son niveau de compréhension. Vous savez que c'était un bédouin arabi. D'accord, c'est-à-dire un bédouin, il venait des campagnes de loin, etc. Il connaissait pas les choses, il a pas fait exprès ou pour provoquer ou pour faire du mal aux musulmans, non. Mais s'il l'avait fait pour provoquer les musulmans, en connaissance de cause, ça aurait été la même chose. La donne, elle aurait changé. Ça, c'est sûr. Omar ibn al-Khattab, peut-être... Et maintenant, on entend des gens, et je termine avec ça, qui quand ils entendent Omar, tout le monde dit, Masha'Allah, Omar. Dès qu'on entend, ah, le prophète, il avait un conflit, Omar, il a sorti son épée, il a dit, mais laisse-moi lui couper la tête, ya Rasulallah, tout le monde, ah, Masha'Allah, Omar. Et quand tu vis, par exemple, une épreuve, et que tu dis à des gens, ah, il y a une personne, il faut être un peu plus dur avec lui, parce que là, regarde l'épreuve, ça c'est pour son bien, il veut faire le fitna. Non, mon frère, l'islam, c'est la douceur, fouah, non, t'es trop dur. Ah, toi, t'aimes bien Omar que dans les hadiths. Toi, t'aimes bien que Omar de loin. Ah, t'aimes bien, genre, Omar, Masha'Allah, il sort l'épée, ah, il était. Mais quand toi, on te dit pas être dur comme Omar. Non, juste quelquefois, il faut. Ah non, mon frère, non, peace, mon frère. Ah, islam, paix, salam, peace. C'est quoi ça? Ça, c'est une duel, mauvaise compréhension encore, par laquelle on n'a pas le temps de décrire, ou alors de détailler encore plus. Inch'Allah ta'ala. La semaine prochaine, on terminera l'explication de Surat Luqman, ou de cette partie de Surat Luqman, et après, on passera avec un autre passage, bihawlillah azzawajal, du Coran. Rendez-vous demain, entre le Maghrib et Isha, avec les questions, réponses. Inch'Allah ta'ala, billahi tawfiq, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.